quand on m'avait demandé de penser à un visage ou un paysage, j'essayais d'en chercher un. Et du coup, j'ai choisi le lac Blanc. C'est une randonnée que j'ai faite il y a 2 semaines. Et après, j'ai pensé tout de suite à un gars. Après, je me suis dit, non, mais pourquoi je pense à lui? Et après, j'ai regardé quelque chose. Je ne sais pas si c'était quelque chose sur la table, m'a fait penser à ma grand-mère. Et du coup, c'était son visage que j'ai commencé à... Voilà, j'ai commencé à penser à ça. Et du coup, il y avait toutes sortes de pensées parasites. Mais voilà, j'ai essayé de me... Mais... Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand on écoute de la musique, on peut être traversé par toutes sortes de pensées. Certaines semblent nous écarter de la musique, alors que pas forcément. D'autres, à l'inverse, plus centrées sur tel ou tel aspect de la musique, voudraient nous faire croire qu'elles nous aident à mieux écouter, alors que pas forcément tant que ça non plus. La musicologie s'intéresse de plus en plus aux récepteurs, les neurosciences vont parfois isoler ce qui se passe dans le cerveau quand on entend de la musique, mais avant de différencier entendre et écouter, peut-être faut-il ouïr la musique. Porté par l'envie d'essayer et de faire essayer toutes sortes de tentatives de déstabiliser l'écoute pour voir ce qui se génère subjectivement, tout ce qui peut se jouer dans les différentes manières d'aborder la musique quand on n'est jamais que l'auditeur, nous avons, avec Bastien Gallet, au cours du mois de septembre 2019, installé un laboratoire de l'ouïe à Strasbourg à l'invitation du festival Musica. En proposant un protocole scientifique dans sa forme et expérimental dans le fond, des auditeurs étaient plongés dans des exercices d'écoute qu'ils accomplissaient dans une boîte à ouïr dans laquelle ils passaient 3 quarts d'heure, seuls, face à des objets, des consignes, des propositions et des musiques. Qu'est-ce qui peut alors leur arriver? Qu'est-ce qui, dans tout ce qui leur arrive, va vraiment faire partie de leur expérience de la musique? Ce numéro de Métaclassique vous propose une traversée de cette expérience avec certaines œuvres entendues dans la boîte, les témoignages de quelques auditeurs parmi les premiers participants de ce laboratoire, et en parallèle, quelques commentaires partagés avec Bastien Gallet. Essayez de fixer votre pensée sur quelque chose, un visage, un paysage, un souvenir, et observez comment la musique le déforme. Il y a un moment où, je ne sais plus, c'était en rentrant, vous m'avez dit de me concentrer sur un souvenir, une image, des photos, je ne sais plus quoi, et donc de réfléchir à ce que la musique allait faire varier dans mes souvenirs ou dans ma tête. Comme je me suis concentrée sur les images, ça n'a rien varié du tout. Je vais vous dire, parce que finalement, je ne savais pas que je pouvais être aussi concentrée. Et après qu'on m'a demandé de dessiner, j'ai plus ou moins pensé à ce qui s'était passé dans ma tête ou à l'image que j'avais essayé de faire perdurer envers et contre tout, et donc la musique, voilà, c'est tout. Alors donc c'est... Elle s'est pas du tout déformée. Tout au début, on me demandait de penser une image, mais j'ai pensé à la ligne d'horizon et la mer, et plutôt en temps... C'est-à-dire, c'était pas clairement défini, c'était plutôt gris. Ça faisait plutôt penser à des dernières peintures de Roscoe. Ça vient de ligne d'horizon où on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Mais toujours est-il qu'il y a évidemment une limite qui sépare. Et au fur et à mesure que la musique a pris de la couleur, j'ai commencé par du bleu. J'ai pas voulu utiliser l'orange parce que les lentilles étaient là. Donc on était effectivement dans un élément un peu, comment dire, la fois où il y a une ligne horizontale, mais où évidemment il y a deux valeurs qui à un moment ils se différencient plus. Et où il y a évidemment le proche et le lointain, c'est ce que je crois que j'ai dû marquer. Et où le proche prend de la profondeur et le lointain prend de l'infini. Je me demandais un peu ce que je faisais là. Je me demandais vraiment quel était le but en fait de tout ça, de ce laboratoire. Et quelles sont les pensées parasites qui vous ont traversé et avez-vous cherché à les canaliser ? Un peu le côté le côté imprévisible, c'est dire que c'est une expérience où il y a un côté bienveillant, donc il y a pas de peur à avoir. Et enfin on dit on s'est jamais toujours une part d'être un peu sur ses gardes qui était toujours en réserve. En même temps, au tout début, on nous demandait de penser à quelque chose. Alors, est-ce que c'est considéré comme une pensée parasite ? Non, du coup, vu que c'est demandé. Je rigolais toute seule parce que j'imaginais par exemple des chèvres, voilà, ça me faisait penser à des chèvres qui chantaient. Donc ça c'est des pensées parasites qui viennent vraiment toutes seules à cause du son. Mais non, j'ai pas essayé de les canaliser, non. J'ai bien aimé le début, parce qu'il y a tout à découvrir. J'ai essayé à un moment de savoir ce qu'on allait faire du résultat. Donc, est-ce que ça allait... c'est plus une expérience scientifique, une expérience sur la sensation, sur les attitudes, sur l'effet de la musique, sur le spectateur, et comment ça allait être analysé. C'est bizarre de thématiser que on se demande bien pourquoi c'est faire alors que en fait on aime bien le fait de pas savoir quoi. Même on est là pour ça presque. Enfin, j'exagère un peu sans doute, mais... On ne sait pas ce qu'est écouté, surtout. C'est quand même le problème qui est aux prémices de tout le projet. On croit savoir ce qui est écouté, on croit qu'on écoute de la musique quand on écoute de la musique. On croit qu'en fait, on ne fait qu'écouter quand on écoute de la musique, alors qu'on est sensible à bien d'autres choses. On est sensible au lieu, à ce qui s'est passé avant, à ce qui se passera après, au support, on est sensible à l'ambiance. Et là, ils étaient pour beaucoup sensibles au fait d'être sollicités à plusieurs niveaux d'écoute. Bien sûr. Et à vrai dire, ces biais, comme tu les appelles, ces instructions, ces activités qu'on leur demandait de faire, étaient destinées à les empêcher d'écouter comme ils écoutent d'habitude aussi, à écouter autrement, à écouter tout en faisant autre chose, tout en étant attentif à autre chose, à écouter comme de loin finalement. Donc c'est moins une écoute distraite qu'une écoute qui est effectivement biaisée, détournée, contournée. Donc ça pourrait être ça, hein, écouter autrement, écouter en essayant d'intégrer des éléments parasites, des contextes, des humeurs, des couleurs, des ambiances diverses, un animal éventuellement, des entrées subreptices d'appariteurs et d'apparitrices. Alors sur la question des parasites, on leur a posé la question et on a l'impression que certains ont essayé de les, même quand les parasites étaient à leur initiative, de les intégrer à leur écoute pleinement. Et j'avais pas fait attention tout de suite, c'était les ombres des deux néons, d'ailleurs qui au démarrage ne deviennent des néons qu'à la fin, lorsqu'ils sont allumés. Avant ce sont des barres horizontales avec des trapèzes et des niveaux avec effectivement des déformations, puisque le premier néon, lui, évidemment, il prend une largeur qui dépasse la surface et qui évidemment se met sur les pans inclinés sur les côtés. Et ensuite, l'ombre du dernier néon, lui, évidemment, il reste un trapèze. Et entre les deux, il se passe quelque chose. Et à un moment, j'ai dû vérifier si j'avais pas la même ombre derrière moi. Et effectivement, il y a la même ombre, mais j'y avais pas fait attention au démarrage. Parce que l'éclairage, lorsqu'il arrivait derrière moi, a révélé les ombres, alors qu'au début, il me semble un éclairage qui était que de face. En tout cas, j'ai pas fait attention. Ce serait à vérifier, ouais. Au niveau des lumières. Toujours est-il que lorsque j'ai pris conscience des ombres devant moi, j'ai voulu vérifier qu'il y avait aussi les ombres, les mêmes, derrière moi. Et ce qui justifiait un peu cette forme du lieu. Vous allez entendre deux morceaux. Vous pouvez écouter le premier morceau à l'aide du stéthoscope en posant le pavillon sur les surfaces. Pour chacun des deux morceaux, choisissez une image. Yo. Montrez les deux images choisies et commentez vos choix en parlant à la caméra. Ok, alors du coup, pour le premier morceau, je choisis cette image parce que ça m'a l'air d'être un bon gros feu de forêt. Et le premier morceau m'a donné l'impression d'entendre vraiment des choses en train d'être détruites. Sans pour autant qu'il y ait un bruit d'impact ni quoi que ce soit, mais ça m'a vraiment donné l'impression du feu qui engloutit un peu tout, qui le détruit, mais de manière pas si bruyante que ça, finalement. Mais ouais, ça m'a donné cette impression. Pour le second, j'ai choisi cette image avec le petit test de Rorschach. Déjà parce que c'est une image qui est assez sombre. La couleur, déjà, c'est du noir un peu gris, mais je pense que c'est du noir avant d'être dilué. Et le test de Rorschach a ce côté où on a l'impression de voir des formes qui pourraient... J'ai presque l'impression de voir la tâche se mouvoir un petit peu. On voit bien que tout le travail consistait à aller à rebours en fait des expériences de laboratoire traditionnelles en sciences cognitives, en sciences positives, qui ont dit en général aux gens faites abstraction du contexte, soyez attentif aux sons, aux lumières, aux signaux, aux stimuli, etc. Alors que là, les instructions globalement disaient soyez attentif à tout ce qui se passe. Faites attention à tout ce qui se passe autour, à côté. Et tout ça fait partie de l'expérience d'écoute, en fait. Et même ce qui est périphérique doit être central, ou peut-être central. Ce qui est une manière de conscientiser ou de réfléchir à ce à quoi on ne réfléchit pas d'habitude et qui fait partie pourtant de l'expérience. Donc de ce point de vue-là, on essaie de montrer qu'il n'y a pas de différence en fait, entre ouïr et écouter. Ouïr au sens de Pierre Schaeffer, hein, qui disait que ouïr consiste, c'est le sens le plus passif, c'est le moment le plus passif de l'écoute, disons. C'est le degré zéro de l'écoute pour Pierre Schaeffer. On ouïe tout ce qui a lieu, tout ce qui se produit. Et donc on ouïe même les sons dont on n'a pas conscience. On ouïe quand on dort, par exemple. Je ne sais pas, il a eu toujours quelque chose autour de la couleur. C'était un peu invasif pour moi, qui m'a fait sortir toujours de la musique un peu. Surtout, je sais pas, j'étais un peu fixé avec la couleur des objets. Et parfois, j'essayais de sortir un peu de ça, mais je pouvais pas. Si je fermais pas les yeux, c'était toujours trop fixé pour moi. Mais oui, c'était surtout quelque chose, même la couleur a rentré dans la pensée, et c'était difficile de sortir pour moi. On me concentre l'un des autres. Ils produisent quand même une sorte d'expertise, mais sur un registre qui reste tranquillement subjectif. Enfin, on ne sent pas de pression à tirer les bonnes conclusions de ce qui s'est passé. Non. Y a-t-il des conclusions ? Alors, certains quand même vont un peu plus loin, comme celui qui parle de la couleur. L'invasion de la couleur, la présence invasive de la couleur, on sent bien qu'il essaie de comprendre en quoi ça a pu déjouer ou changer ou modifier son écoute. Donc, comme si tout à coup, ce qui était accidentel devenait essentiel. Du fait qu'on ait demandé précisément de regarder attentivement les couleurs juste avant, au moment du début du morceau. Donc là, il y a une manière aussi de s'interroger sur tout à coup cette coloration de la musique. Donc c'est aller au-delà donc de la différence entre ouïr et écouter, bon. Mais c'est aussi aller au-delà de la différence ici entre les sens. Bien sûr. Hein, l'écoute n'est pas seulement une affaire d'écoute, c'est aussi une affaire qui concerne le sens tactile, donc ce qui relève des vibrations, et puis le sens visuel en l'occurrence. Hein, c'était le cas avec la couleur. Mais ça peut être aussi la température. Est-ce qu'on écoute autrement ou différemment un morceau s'il fait moins 30 ou s'il fait plus 30? On n'a pas étudié la variation de température. Il faudrait faire l'expérience, à vrai dire. Mais dans certains clubs, c'est ce qu'ils font. Tu sais que c'est Larry Levan au Palace Garage. Ils modifient la température. Ils envoient la soufflerie, par exemple. Ils refroidissent l'atmosphère à certains moments et ça produisait un effet qui était en lien, évidemment, avec le morceau qu'ils diffusaient. Dessinez comme vous entendez. J'ai fait ce que j'ai pu pour représenter un truc pas trop abstrait. En fonction des différentes phases, des différents mouvements du morceau, et je crois que j'ai essayé de retranscrire un peu les graves et les aigus, chacune dans une autre couleur, et de faire un peu ce que je ressentais. C'est peut-être un peu une partition quelque part, je sais pas. Ouais, j'ai imaginé une créature entre une créature plutôt volante et plutôt marine. Et donc du coup, il a des poids et une petite huipette. Au début, c'était temporel aussi, de gauche à droite. Après, ça a devenu un peu la superposition de tout cela que j'ai commencé à entendre. Mais j'ai eu l'impression que je me suis fixé sur des choses précises. Après, il y avait un bruit d'oiseau et du coup, j'ai juste voilà, c'était un petit dessin qui me faisait penser aux oiseaux et le bleu du ciel. Après, bah ça commençait trop à être un truc qui apparaissait trop, du coup j'ai dû dessiner l'oiseau. Du coup, il est là dans une sorte de cage parce que la musique elle était assez sombre. Et du coup, je me suis dit que l'oiseau souffrait, en fait. Et à un moment donné, j'avais l'impression qu'il y avait un humain qui l'écrasait. C'était l'image qui m'était venue. Et qu'il n'était pas du tout libre. Du coup, là, c'était une sorte de poignée, je sais pas, à travers laquelle un humain pourrait le promener. Quelque chose de, au début, d'assez carré. En même temps que des bruits d'oiseaux plutôt légers. Puis par la suite, c'est une voix plutôt orientale qui mélange un peu les styles et qui... Ouais, qui... Il y a des lignes. Il y a cette grosse tache là que j'ai faite à la fin parce que la musique était très... je sais plus ce qu'il y avait, mais c'était un mec qui était un peu stressé, j'avais l'impression, là, et ça faisait comme un tourbillon, là, il arrêtait pas de... Du coup, j'ai fait ça. Et puis, après, je me suis dit que mince, j'aurais dû faire un animal qui avait rien à voir, que ça aurait été vachement plus drôle que ça soit un truc énorme qui fasse des bruits d'oiseaux, mais bah, c'était trop tard, voilà, j'avais pris toute la place sur ma feuille. Ah, ça, après, il y a une sorte de musique un peu qui me faisait penser à... aux gens natifs, par exemple du Brésil, ou parce que moi je suis brésilien, et du coup, mais pas forcément, et du coup ça m'a fait penser à la, je sais pas, une sorte de cigarette, une sorte de cigare aussi qui émanait de la fumée. Et ça, c'était quoi? Ça, c'était quelque chose aussi. Alors oui, il y avait aussi ces petits points, c'était aussi des petits sons aigus que j'ai entendus, donc ils sont très... Vous les voyez à peine, là, voilà. Mais c'était au début, ça. Hein. C'était, je crois, en troisième position, d'ailleurs. Et puis, j'ai terminé par cette espèce d'onde solaire, on va dire. Il y a un nuage, un soleil et l'horizon. Plein de couches, de superpositions. Ressemble un peu à un gribouillis. Parce que le début m'avait l'air assez calme. Alors, j'ai voulu faire un fond avec beaucoup de blanc. Et il me semble que c'était des bruits d'oiseaux, ou bien c'était quelque chose qui s'en rapprochait. C'était un piano qui m'a donné l'impression d'avoir des oiseaux qui piaillent un peu, donc j'ai mis un peu compulsivement des taches de rouge. Et ensuite on a eu des cris très comment dire, émouvants, non, émus, non, si on va dire émouvants. Et donc ça je l'ai représenté par ces espèces de vagues comme des ondes sonores qui déchirent un petit peu le... Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. C'est quand on leur a demandé de faire un dessin et que après on leur demandait de le décrire. Et ils avaient un mélange de grande aisance à le décrire de façon complètement décorrélée de ce qui s'est passé musicalement, mais exactement la même aisance quand ils tentaient de faire des associations entre... Et le dessin pouvait changer de nature, d'ailleurs. Il commençait par dessiner quelque chose, et puis le deuxième morceau les amenait à dessiner autre chose, à modifier la figure, mais sans que ça pose un problème. À vrai dire, comme si finalement, c'était pas un problème que l'écoute passe par des musiques si variées. En fait, comme si des musiques très différentes pouvaient au fond signifier la même chose, ou participer à un même processus, ou la description d'une même créature. Mais ça veut dire que on pouvait être dans la représentation de l'animal au début, puis d'une ambiance générale après. Ça posait très vite plus vraiment question. Non, mais après l'instruction aussi incitait à considérer les deux morceaux comme un même mouvement en deux parties. Prenez les objets et disposez-les devant vous. Actionnez le chronomètre. Jetez les dés. Mémorisez le résultat. Oui, comme les dés, bon, c'est tous ces gestes qu'on n'interroge pas ensuite, mais qui, malgré tout, modifient un peu l'écoute, puisqu'on la met en rapport avec tout ce qui relève, disons, du nombre, du chiffre, du fait de mesurer. Bon. Lier l'écoute à la mesure, je pense que ça a un effet. Bon. Tirer le dé, le résultat ne peut pas être sans effet, puisque c'est comme si ça organisait ou encadrait en quelque sorte l'écoute, hein, les chiffres qu'on tire. Et de même pour le chronomètre. Le fait d'être dans une écoute tout à coup et mesuré par un chronomètre change, à mon avis, change sa nature. Mais pour revenir au dessin, ce qui est frappant, c'est la facilité avec laquelle il dessine. En fait, la musique est ce qui naturellement se dessine et se figure. Il n'y a aucun problème, en fait, à dessiner la musique. C'est une évidence. Donc, c'est bien là que la musique ne relève évidemment pas immédiatement ou forcément en premier lieu du sens de l'ouïe, finalement. Elle relève autant du sens de la vue, finalement. On imagine, on visualise sans arrêt des choses quand on écoute. La première mesure à laquelle on les confronte, avant même de rentrer dans la boîte qu'on appelle laboratoire, c'est de prendre leur tension. Des chiffres dont on ne fait rien, enfin, pour l'instant on n'en a tiré aucune conclusion, mais prendre sa tension avant d'aller écouter de la musique, on peut imaginer que ça a aussi des incidences, c'est-à-dire se mettre dans une écoute de sa propre pulsation ou... Oui, après, ça peut créer une attente particulière. Si on prend ma tension, c'est qu'il va m'arriver des choses qui peuvent la modifier, qui pourront la modifier. Donc on est prêt à tout. Voilà, d'où cette aussi attente de l'imprévisible, ce souci de l'imprévisible. Si on prend ma tension, n'importe quoi peut arriver, même l'imprévisible. Mais c'est aussi une mesure à nouveau. Donc il y a tout ce qui relève des mesures qui reviennent assez régulièrement et qui crée une ambiance qui n'est pas soignée avec le laboratoire, mais qui est finalement ce qu'on utilise le moins. Alors que c'est précisément ce qu'on utilise le plus en général dans les expériences de ce type. Aviez-vous des attentes au début de l'expérience ? Absolument aucune. Je suis venu sur les conseils d'un ami par curiosité personnelle et j'étais prêt à tout. La question suivante, c'est ont-elles changé pendant l'expérience ? Étrangement oui, parce que du coup je suis passé de aucune attente à une espèce de très forte observation et de très forte suspicion. Je me méfiais de ce qui pouvait arriver, j'attendais un peu des coups de théâtre, des choses un peu voilà, donc il y a eu un on-off assez important quand même. Pendant l'expérience, quelle gêne avez-vous ressenti ? L'impression d'être observé et d'être seul. C'est pas vraiment une gêne, mais un peu une sorte de suspense de voir ce qui peut arriver et d'imprévisible. Pas vraiment de gêne parce que je suis difficilement gênable. Après, certaines marges d'action, de liberté, est-ce que j'avais le droit de faire plus, moins, qu'est-ce qui était attendu de certaines choses. Mais il y avait quelques cris qui étaient... quelques sons qui étaient assez stressants, mais dans une ambiance générale plutôt relaxante au final, donc je ne saurais pas vraiment vous identifier des gênes particulières, si ce n'est quelques moments de sursaut peut-être. Donc si je comprends bien, en fait, les gènes liés aux musiques elles-mêmes sont bien derrière les gènes laissés par la liberté que le protocole donne à chacun. Et on est presque gêné de ne pas savoir quoi faire ou que le protocole ne soit pas assez précis ou autoritaire. Ouais, l'expérience veut ça. Le mot de laboratoire, le concept de laboratoire implique qu'il y aura des instructions, des protocoles très précis à suivre, des indications et qu'on attend des réponses à des questions qu'on se pose par ailleurs. Et alors que c'est un protocole qui est précisément conçu pour permettre au sujet de prendre des libertés, de faire preuve d'initiative. Et ça, c'est ce qui est le plus gênant, peut-être. Ça contredit, à vrai dire, le principe du laboratoire. de laisser peu à peu le sujet prendre en main l'expérience, en quelque sorte, s'approprier. Et ça, je comprends que c'est pu gêner certains. Mais en tout cas, beaucoup ont saisi l'occasion, à vrai dire. Même, oui, la plupart. Et même, on dit y prendre du plaisir, ce qui n'était pas forcément l'objectif. Si, un peu, hein. C'était pas du tout interdit, et puis tant mieux si c'est arrivé, mais c'était pas non plus une priorité. Il y a quand même un effet d'autorité du laboratoire qui fait que ce qu'on peut soi-même éprouver peut être sympathique et accueilli comme tel, mais ne prend jamais le pas sur, par exemple, la perplexité de savoir à quoi sert cette expérience. Qui est, encore une fois, une question qui nous est beaucoup revenue. Oui, oui, mais à la fin, à vrai dire, parce que je pense que cette question se pose peut-être au début, et puis on l'oublie rapidement, face aux activités à accomplir, à l'arrêté des musiques. Je pense que la plupart ne se sont posé la question qu'après. À quoi bon tout ça? À quoi ça sert? Et en cours de route, je ne suis pas certain que c'était la, disons, l'interrogation principale. En tout cas, après coup, dans l'entretien de sortie, il était question de savoir s'il y avait des avantages à réfléchir sur son écoute. Et de ce point de vue-là, c'était peut-être parce que la question était posée comme ça, mais assez unanime pour dire que oui. C'est vrai que je me suis peut-être rendu compte que j'ai une concentration assez limitée dans le temps, que je me concentre sur la musique et puis après je vais passer à autre chose. Et que, mais bon, je pense que peut-être que c'est bien, ça permet aussi un peu de penser, enfin justement de vagabonder un peu dans les pensées. Mais je me suis rendu compte que, en revanche, finalement, j'écoutais vite plus. Je suis beaucoup plus concentrée sur les objets et sur mes gestes que sur la musique. Donc je l'écoute au début, puis au bout de quelques secondes, en fait, c'est une ambiance sonore et je l'oublie, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un temps consacré et dédié à ça, ce qui n'est pas forcément le cas en fait. Enfin, seul et dédié à ça, seul ou presque, parce qu'on a l'habitude d'écouter de la musique en concert, entouré de gens. On a l'habitude d'écouter de la musique de manière un peu quotidienne, anecdotique, en compagnie d'autres choses, un trajet, une tâche quotidienne, ménagère. Et là, c'est vraiment quelque chose de consacré. Et donc le fait d'avoir cette fenêtre ou opportunité-là, ça permet de se dire que oui, c'est possible, on pourrait prendre du temps pour écouter des choses et se consacrer à l'écoute. Les avantages, eh ben, peut-être être plus conscient de ce qui se passe autour de nous, de notre environnement, de ce qui nous entoure, de choses qu'on n'entend plus forcément à cause d'un manque peut-être d'attention. Quand on leur pose la question de la réflexion, ils trouvent ça, oui, bien de réfléchir, même s'ils sont presque pris dans le flagrant délit de ne pas avoir toujours été très attentif au moment présent, comme si d'être complètement attentif ferait qu'on ne réfléchirait pas, ou que ça ne se fait pas dans le même temps, et que tout le temps qu'on prend à la réflexion, c'est du temps qu'on passe en moins à bien écouter. C'est le paradoxe de l'écoute, c'est que si on écoute vraiment dans le présent complet, on n'écoute plus rien en fait. L'écoute structurelle, l'écoute musicologique, c'est l'écoute attentive qu'on met au parangon, quoi. De la bonne écoute, c'est une écoute qui passe son temps à aller et venir, en fait. Hein. À prendre des distances, à retrouver des formes, à repérer des modulations, qui n'est pas en présent, qui est sans cesse prise entre les connaissances, les savoirs, les comparaisons, qui cherche à identifier, qui replonge dans le passé pour se projeter dans le futur. Alors que l'écoute totalement présente est une écoute qui n'écoute plus rien, comme ils le disent. Hein. J'écoute et puis j'écoute plus, mais en fait, en n'écoutant plus qu'on écoute le mieux, peut-être. Bon, ça montre que aussi nos écoutes quotidiennes ne sont pas des écoutes professionnelles, ou des écoutes structurales, ou des écoutes attentives. En fait, on les a exposés au drame de l'écoute professionnelle. C'est ça, qui est en fait l'écoute la plus rare et peut-être... La plus ennuyeuse, donc. Oui, mais certainement pas la meilleure, en tout cas. Ou une parmi d'autres. Et en général, on écoute autrement. On écoute en faisant autre chose. On écoute aussi pour se séparer, pour s'isoler. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on est libre de se laisser aller à ses pensées. Et on n'écoute jamais mieux que quand on pense à autre chose. Bon, Nietzsche, c'est un très beau texte là-dessus. Hein. Dans le cas Wagner, quand il parle de son écoute de Carmen de Bizet, il dit « Au fond, je ne l'entends pas. Au fond, j'écoute autre chose que la musique. Au fond, j'écoute parce que des idées me viennent. » Bon. Et ça, c'est une écoute qui n'entend plus la musique, mais qui écoute d'autant mieux qu'elle n'entend plus. Bon, et ça, ce serait cette écoute-là parce qu'il est pris par une sorte de stimulation intellectuelle provoquée par la musique. C'est ça. Qui le décentre de la musique en même temps qu'il lui permet de l'approfondir davantage. Et c'est un peu à ça qu'on voulait soumettre aussi notre sujet. Du coup, d'autant plus attentif qu'elle était moins centrée sur l'immédiateté des sons de la musique. Reparlerez de cette expérience, sur quel moment insisterez-vous? Je crois que le dernier, là, où tu danses, là. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est malaisant, mais c'est marrant, quoi. Mais la musique, par contre, je l'ai trouvé, toutes les musiques étaient horribles. Ah ouais? Ouais. C'est une question de goût, mais... Voilà. Horrible, vous étiez gênée ou... Non, c'est le genre de musique à tendance... Je trouve que c'est... À part les deux premières, je trouvais que le reste, c'était pour moi des musiques qui angoisse, quoi. Il y a quelque chose de très... de quelque chose qui tient trop, quoi. On pousse à l'extrême dans cette boîte. C'est ça. Ouais. Je pense que je raconterai tout. Tout? Ouais. En tout cas, tout ce dont j'aurais gardé souvenir, ouais. Ouais. Ok, ouais. Et s'il y avait un moment, par exemple? Le dessin et la musique à la fin, là, la danse, enfin, les mouvements ou la danse, ouais. Quand vous reparlerez de cette expérience, sur quel moment insisterez-vous? Sur les moments de silence, peut-être. Enfin, de... Les moments où on devait juste écouter, ou regarder, et rien faire de nos mains. Ou... Voilà. De voir, en fait, le fait qu'essayer d'arriver à réussir le challenge du beatboxer, ça prend la priorité sur la musique, et du coup j'entendais, mais j'aurais incapable de répéter ce que j'ai entendu. Je pense que surtout au début, quand je me suis rencontré avec la table remplie de choses, c'était les moments les plus choquants aussi, mais choquants, oui, et inespérés, si on veut. C'est beau ça, inespéré. C'est-à-dire qu'on ne pouvait s'attendre à rien, donc ce qui est arrivé... Le fait d'avoir tous ces objets qui en fait n'ont aucun sens, sinon être manipulés. Donc, ce sont des incitations à l'action, ce sont des affordances au sens de James Gibson, d'ailleurs ce sont des invitations à l'action. Enfin, c'est des affordances floues quand même, parce que l'affordance de la chaise, c'est de s'asseoir. L'affordance d'un tas de lentilles sur une table quand on vient d'arriver dans un laboratoire où on est pour écouter. Oui, pour un humain, tout objet est une affordance potentielle. En fait, pour les animaux aussi, mais plus pour nous. Tout objet peut être intéressant si on y applique une attention suffisante. Et à vrai dire, c'est à eux de trouver l'usage des objets. Et certains n'ont pas trouvé d'usage. Certains n'avaient pas de sens, n'ont pas trouvé de sens. D'autres, oui. Il y avait des musiques qui trouvaient leur utilité en cours, par exemple les variations pour une porte et un soupir de Pierre-Henri permettaient de séquencer le moment d'épreuve du bilboquet, si bien que quand ça basculait vers une pièce pour piano préparé d'Adam Junpeck, on arrêtait en fait d'essayer le bilboquet même si on n'avait pas réussi. Donc le bilboquet est lié, est instancié par le grincement de porte. Désormais, ils associeront le bilboquet au grincement. Non, mais c'est pas absurde, on va dire. Comme si le bilboquet lui-même pouvait grincer. Comme si le geste pouvait faire grincer les articulations. Enfin, il y a des choses comme ça qui forcément traversent l'esprit. Donc c'est, la musique se figure de mille manières. Et je pense que ça permet de figurer la musique autrement. Écouter Pierre-Henri attentivement est un exercice aussi intéressant. Hein, on peut l'écouter en écoute réduite. Bon. Mais l'écouter en Jean-Louis Bocquet, peut-être que c'est une manière de l'écouter autrement en écoute réduite, puisqu'on ne cherche pas à savoir ce qui grince ou comment ça grince, mais on cherche à jouer. Et donc le son peut-être se musicalise autrement, ou se désobjective autrement. Et c'est comme quand on écoute de la musique concrète en faisant la vaisselle, c'est-à-dire que nos gestes, les tintements un peu accidentels qu'on peut produire, finissent par s'intégrer à une forme que, par conséquent, on intellectualise de façon à la fois plus profonde et plus spontanée. D'où l'intérêt de ces musiques, hein, qui finalement sont moins différentes ou moins séparées du monde quotidien que les musiques qui obéissent à l'ordre musical tonal. Le rapport au bilboquet, il était intéressant parce que ils n'écoutaient vraiment plus la musique pendant qu'ils essayaient de réussir le bilboquet. Et par contre, après l'écoute, ils étaient bien obligés d'essayer de tirer des sortes de conclusions de l'avoir réussi ou pas en fonction du cadre. C'est vrai. C'est vrai que cette activité paraît vraiment accidentelle par rapport à la musique qu'on en soit entendu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle suppose déjà que le sujet se lève et fasse une activité physique, un mouvement, ce qui en général n'est jamais le cas. On n'a personne de faire un mouvement et qui, en l'occurrence, est sans rapport avec la musique. Mais ce n'est pas non plus sans effet. Le lien existe puisqu'on écoute quelque chose en jouant au bilboquet. Et on l'écoute quand même, on l'écoute malgré tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'écouter malgré tout, ou comme un fond sonore, ou comme la bande son de notre jeu. C'est un peu ça, comme dans un stade. On écoute de la musique dans les stades au moment des performances. Donc là, la musique accompagne le geste, accompagne l'exploit, accompagne le moment héroïque ou l'échec, à vrai dire. Donc, c'est plutôt comment le fait d'avoir réussi ou échoué va influer ou modifier notre rapport à la musique. Alors, cette musique sera une musique de l'échec ou une musique de la réussite. Et d'ailleurs, la joie des sujets, pour ceux qui ont réussi, quand ils ont réussi, cette joie est indissociable de la musique, dorénavant. Il reste qu'il y a des activités qui peuvent parfois paraître extrêmement artificielles ou complètement déliées de ce qu'on est en train d'entendre. C'est l'exemple de devoir mouvoir son corps dans l'espace. À un moment donné, parce qu'il y a eu effectivement une musique beaucoup plus rythmée à la fin, je me suis à un moment senti obligé de bouger. Et après je me dis, mais pourquoi je bougerais, ça m'intéresse pas. Voilà, mais c'est le seul moment où... Et j'ai pas réussi à intégrer dans mon écoute le bourdon de la ventilation. Ça c'était... Là j'avais beau faire, ça j'arrivais pas à les mettre en face dans le même espace. Quelle couleur a le plus modifié votre écoute ? Quelle couleur ? Je dirais le bleu. Le blanc n'étant pas une couleur, j'imagine que c'est le bleu parce que j'ai pas beaucoup regardé l'orange. Le bleu, à moins que ce ne soit juste la baisse de luminosité qui ait fait ça, mais le bleu, c'est celle qui allait mieux avec la musique. Qui laissait le plus de place à la musique. En fait, le bleu et le blanc jusqu'à présent étaient dans mon champ de vision, donc je m'y étais habituée. Et donc c'était un nouvel élément à prendre en compte dans mon environnement. Comment ça ? En fait, c'est la matière qui m'a donné envie de jouer avec ça. Est-ce que j'ai ressenti au niveau de l'odeur ? En fait, c'est pas la couleur qui a modifié mon écoute. En fait, je crois pas que mon écoute ait été modifiée. Je ne sais pas répondre à ça. Qu'est-ce que cela change d'écouter à deux ? Ça dépend. Ça dépend. Ce que fait l'autre ? Qui est le deuxième ? Pas grand-chose, si ce n'est l'impression qu'on attende de moi des réactions. Peut-être, je ne sais pas. Je me sentais moins en confiance, sachant que je devais m'attendre aux réactions de la personne avec moi. Qui n'ont pas été au même moment que moi. Après que la parietrice ait sursauté, du coup, j'étais beaucoup plus attentive à elle. Et du coup, sans doute moins à la musique. Alors qu'avant, j'étais plus justement dans l'écoute et dans l'observation aussi un peu de la salle. Donc je pense qu'après, j'étais moins dans l'écoute. Que le sursaut a rendu la musique plus intéressante. Le sursaut a rendu la personne plus intéressante. Peut-être un peu plus... Peut-être que ça a affirmé un petit peu le sentiment de légère angoisse, mais j'avoue que j'ai trouvé la musique assez apaisante. Et j'étais déjà plus ou moins un peu seule dans ma tête, en fait. Êtes-vous sûre ? Bah non, ma réponse, elle est pleine d'incertitudes, mais c'était déjà le cas. Doucure. Non, la musique, moi, je l'ai trouvée relativement apaisante. Le sursaut m'a fait pas vraiment sursauter, mais j'aurais pu. J'ai eu un petit coup de stress, mais ça fait que je me suis un peu réveillée. En tout cas, mon rythme cardiaque a augmenté. Donc j'étais plus attentive à la fois à ce qui m'entourait et surtout à la personne qui était avec moi. Et au son qui suivait. Êtes-vous sûr? Non, je suis sûre de rien. Oui, je dirais quand même que ça m'a rendue plus alerte, parce que ça m'a fait peur. Parce que du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose d'un peu intense. Mais ça l'a rendu, disons que ça a mis un contexte un peu plus angoissant. Êtes-vous sûr? En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Donc oui.